La souffrance évitable. Il y a des souffrances dans la vie qu'on peut éviter quand on a une certaine expérience. Mais il y a beaucoup de souffrances qui sont inévitables parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, la clé, c'est de souffrir une fois puis de jamais plus souffrir deux fois de la même expérience. Qu'est-ce qui peut s'éviter? Tout ce qu'on a compris, et puis tout ce qui est, comme on dit dans notre expérience personnelle, qui a été intégré. Et là, le gros problème, c'est que on peut pas éviter les souffrances qui ne sont pas intégrées dans l'expérience. Tu sors dehors quand tu es jeune, là tu pognes le grippe ou le rhume, puis tu dis « Oups, il faut s'habiller ». Quand tu t'habilles la prochaine fois, tu évites de souffrir. Facile à comprendre, hein? La conférence est finie, c'est tout. Ça veut dire que dans la vie, tout ce qu'on ne comprend pas va nous faire souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on peut éviter? C'est tout ce qu'on apprend de d'autres qui ont déjà souffert, puis qui nous disent « fais pas ça parce que ça fait mal ». Et on n'évite pas la souffrance quand on s'ostine. Donc, une personne a une expérience donnée de la vie, il l'a intégrée, ça se sent quand quelqu'un a intégré une expérience. Il t'avertit, t'écoutes pas, tu souffres. Ça, c'est une expérience que tu aurais pu éviter. Si tu aurais été capable d'accepter que quelqu'un soit plus intelligent que toi devant cette expérience-là. Donc, ce qui s'évite pas, c'est le manque d'expérience, mais ce qu'il y a de pire, c'est qu'on peut éviter de souffrir d'une situation sur la souffrance des autres. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un a souffert d'une expérience, puis il dit, ben, on souffre de ça quand on fait ça, ça, ça, puis qu'il vous l'explique bien, et que vous dites, ah ben, moi, ce sera pas pareil, moi, je suis plus intelligent. Là, vous vous placez en situation initiatique. Une souffrance, c'est en soi une initiation. Et une personne qui a la capacité d'éviter de souffrir, c'est un initié. Donc, on s'entend que être un initié, c'est accessible à tout le monde. Mais un être qui est initié, c'est quelqu'un qui a souffert, on va dire, entre guillemets, pour les autres. Il n'a pas fait ça pour les autres, là. Inquiétez-vous pas. Mais il a passé par des étapes de vie qui étaient souffrantes parce qu'il ne connaissait pas les us et coutumes de l'expérience en question. Mais une fois qu'il a intégré l'initiation, donc une fois qu'il a compris les mécanismes qui fait que tu souffres de telle ou telle chose, il devient automatiquement un initié. Donc, un initié, c'est quoi? Un initié en finance, exemple, c'est un individu qui connaît les rouages de l'argent, les rouages du comment ça, on emprunte, on investit, qu'on fait des rendements, des choses du genre. Là, on va dire, ça, c'est un gourou de la finance. Mais le gars, il en a perdu de l'argent. Un initié dans les armes, c'est quelqu'un qui a connu toutes les gammes de calibre, d'expérience de chasse, de tir de précision, qui a peut-être même fait du militaire, puis qui a appris à travailler avec tous les défauts des armes, parce que chaque arme a des petites particularités. Puis éventuellement, là, dans ses expériences, ben, il a connu le positif de l'arme, puis le négatif de l'arme, et puis il en arrive éventuellement à être un initié. Donc, une personne dans un domaine X peut développer une expertise, et le but de son expertise, c'est d'arriver à éviter ce qu'on appelle, en guillemets, les erreurs. Donc, à éviter ce qui fait souffrir. Parce que souffrir, c'est pas toujours physique, là. Vous pouvez souffrir mentalement de quelque chose qui vous échappe. Moi, je peux vraiment dire que j'étais un initié du couple, de l'association, de l'échange. Enfin, j'ai passé ma vie là-dedans. J'ai passé ma vie, évidemment, dans des relations dites affectives, des relations à caractère professionnel qui impliquaient de mettre sur la table toute ma compréhension de ce que j'avais de la vie, qui passait par, dans mon cas par l'occulte, l'astrologie puis ces choses-là. Et je suis devenu avec le temps un initié. J'étais né pour l'être, mais j'ai connu aussi les initiations, parce que qui dit initié dit initiation. Les gens les plus bornés, c'est rarement des bons initiés parce qu'eux autres se limitent à des champs d'expertise et inévitablement ne vont pas voir les associations qu'il peut y avoir dans d'autres champs d'expérience. Fait que, exemple, si moi je dis je suis un initié dans le domaine du couple et des associations, ça s'entend que j'ai pas que vécu ça. J'ai vécu d'autres choses en parallèle avec le travail, parallèle avec le quotidien, le day-to-day, avec évidemment les forces, l'énergie carrément vibratoire que les forces peuvent imposer à un individu. Puis j'ai vu que, bon, le concept du couple, c'était très, très large. Je l'ai compris jeune, donc j'ai pas regardé le couple sur une base strictement de homme-femme. J'ai regardé le couple dans le sens d'une association. Fait qu'une personne, exemple, les policiers souvent travaillent à deux. On pourrait dire qu'ils travaillent en couple. Mais si les gens sont capables de se délester ou de s'éliminer de l'esprit qu'une couple, c'est automatiquement sexuel, ben là, tu peux voir des couples dans ben des formes. Que c'est plus facile de travailler à deux, de structurer quoi que ce soit à deux ou à plus. Ben là, à ce moment-là, tu peux voir des hommes qui travaillent ensemble, des femmes qui travaillent avec d'autres femmes, et puis dire, ben, ils font un couple. Vous me suivez? Mais ça, faut avoir une initiation qui déborde de la conscience populaire, qui voit le couple strictement dans le trou de cul, dans le sexe. OK? Donc, si une personne est capable de se libérer d'une perception qui est purement sexuelle, ne peut pas voir une initiation intelligente dans le phénomène de en bac des bacs du couple. Tu sais, tu travailles pas toute ta vie avec quelqu'un. Tu travailles pour un objectif X, puis quand l'objectif est atteint, mais ben, le couple se dissout. Vous savez? Mais c'est pareil pour les couples qui s'associent ensemble. Pourquoi qu'il y a autant de divorces aujourd'hui ou de séparations? C'est parce qu'à un moment donné, t'es à échéance de ton contrat. Ce qui fait un bon initié, c'est la capacité de lire le contrat, de savoir que deux individus sont ensemble pour être capable de saisir la nature de l'obligation qu'ils se donnent d'être ensemble pour arriver à fermer un contrat ou à placer ce contrat-là dans une échéance qui est due au fait que, bon, il n'y a plus rien à travailler là, que si on veut continuer d'être ensemble, bien, il faut se renégocier un nouveau contrat. Vous me suivez? Bon. Ça, c'est de la souffrance que tu évites quand tu sais qu'un contrat va se terminer dans une association. De te le faire dire par un initié, donc un individu qui connaît les rouages d'un relationnel entre deux individus, ça peut t'éviter beaucoup de souffrance de rejet. Ça peut t'éviter beaucoup d'ambiguïté dans le fait que, exemple, tu perds ton partenaire, la mort. OK? Parce que tu dis, bon, ben, mon partenaire est mort. C'est assez clair que ton contrat est fermé, là. Hein? C'est clair, clair, clair, clair. Il tombe malade. Jusqu'où vous pouvez tenir un contrat avec quelqu'un qui est malade? Tout le monde n'est pas né pour supporter des contrats avec des gens malades. Il y a des infirmières que c'est leur mission de vie d'avoir le contrat de s'occuper des malades. Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas le contrat de traîner des gens malades. Au même titre que je ne demanderais pas à quelqu'un qui n'a pas une mission dans le domaine de la santé, de s'imposer un lien avec moi sur une forme quelconque, sentimentale, peu importe, s'il n'y a pas la contenance de ça, il va faire des erreurs, ses pilules, puis il va me tuer. Puis il va être accusé de meurtre en voulant me rendre service. Comprenez-vous ce que je veux dire? Chaque individu a sa dose de contenance, a une capacité de contenir certains types d'événements, et puis il est karmiquement ou dans sa destinée capable d'interagir avec certaines personnes ou avec des gens d'une certaine façon. Ma première femme, elle avait une drive d'enfer. J'avais besoin de ça au début. Elle m'en même en faillite parce qu'elle drivait justement trop. La deuxième, elle avait le talent de tout mettre de l'ordre. Fait qu'elle m'a récupéré de ma faillite. Une fois qu'elle a eu fini ça, sa job était finie, elle est partie. Après ça, j'ai eu d'autres, mais je ne peux pas vous compter ma vie, là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai eu autant d'associations que les vies me plaçaient dans des nécessités. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas genre, t'as divorcé, oh, qu'est-ce que t'as fait de pas correct? Non, non. C'était correct. On s'est séparés parce que c'était fini. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de souffrance parce qu'on s'acharne. On s'acharne à vouloir garder un échange d'une certaine façon. Alors que l'échange est terminé, tu sais, genre, t'engages un plombier, puis tu dis, t'as tellement fait ta job comme fou. Sais-tu, moi, te laisser une chambre. J'ai une chambre de libre. Devrais rester ici. Ouais, ben, tu sais, écoute, le clown, je suis né ici de ta plomberie, moi, là. Ouais, mais c'est pas pareil. T'es spécial, t'as arrangé ma plomberie. T'es vraiment au-dessus de la norme. Ouais, c'est ma job de faire ça, tu sais. T'as dit, si tu veux une chambre, je te la laisse. Nourris le logis. Ben là, si tu me forces le bras, on regarde ça. Comprenez-vous, ça, c'est réellement passer dans le ridicule, dans le burlesque. C'est vouloir forcer quelqu'un à rester dans ton espace. Donc, très important, quand vous êtes en vie, de savoir pourquoi vous êtes en échange, pourquoi vous êtes avec telle personne, pourquoi vous endurez de souffrir. Il n'y a personne qui est venu au monde avec une volonté de souffrir. J'en connais pas. Même un enfant, quand il braille, bébé, c'est parce qu'il veut arrêter de souffrir. Il veut pas souffrir. Donc, s'il veut pas souffrir, il veut être avec des gens qui vont l'empêcher de souffrir. T'es bébé, tu brailles. Écoute, tu veux quelque chose. Tu ne brailles pas pour rien. Parce que dès que tu as donné au bébé ce qu'il a besoin, il arrête de brailler. Vous êtes tous des gens qui ne veulent pas souffrir. Mais vous êtes tous des gens qui ont besoin de s'associer à des gens qui vont leur fournir, on va dire entre guillemets, le médicament qui va arrêter la souffrance. Vous me suivez? Moi, j'ai trouvé dans la vie que si tu savais lire, si tu savais simplement voir la vie dans sa réalité, tu souffrais moins. Fait que je fais des consultations, pourquoi? Pour dire aux gens, écoute, tu fais ce travail-là pour ça, tu es en amour pour ça, tu as des enfants pour ça, puis tout ça, quand ça te fait souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose de trop. Ou il y a quelque chose de pas assez. Mais il n'y a pas assez de ça, il y a trop de ça, parce que si tu as trop de ça, tu en enlèves au manque qu'il y a là, et puis inévitablement, il y a une répartition de tes énergies qui ne s'équilibre pas, puis là, tu souffres. Parce que tu ne souffres pas quand tout est balancé. Donc, dans la vie, les gens sont en initiation aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas. Dans mon langage, c'est aussi longtemps que tu ne sais pas lire. Fait que si tu ne sais pas lire la vie, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans ta job, tu vas dire, ah, il manque d'argent. Il manque d'argent parce que tu n'es pas en échange avec un environnement qui peut t'en donner. Ouais, mais moi, ce que je fais, je l'aime. Ouais. Je comprends. Mais si ce que t'aimes, il y a très peu de gens qui l'aiment, il va falloir que tu apprennes à vivre avec un minimum d'argent. Vous me suivez? Donc, une personne qui dit j'ai un manque de telle chose, c'est parce qu'en quelque part, il s'acharne à maintenir une forme qui n'est pas très, très, très populaire avec un environnement donné. Et conséquemment, ben, il n'y a pas les ressources pour combler son manque. Et conséquemment, il souffre. Vous me suivez jusque-là? Donc, une souffrance qui s'évite, c'est automatiquement une compréhension et une lecture qu'on a de la vie qui nous fait prendre les décisions qui vont améliorer notre situation. Il y a bien souvent, on peut pas lire parce qu'on est trop dedans. Comme on dit souvent, on a tellement la face collée sur l'arbre qu'on voit pas la forêt. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont placés à souffrir parce que leur lecture est toujours rapprochée dans leur quotidien et elle n'a pas d'extension dans leur avenir. Tu dis, moi, je répète ça, cette expérience-là, parce que c'est juste ça que je sais. Ou c'est juste ça que je connais. Si on m'emmène dans des études, quelle garantie que j'ai dans l'avenir que je vais réussir avec ça? Donc, la personne répète le mécanisme. Puis son mécanisme, il est pas bon. Il est pas suffisant. Il y a bien de vous autres qui bouffent leur santé à rester dans des affaires qui devraient changer. Bien des gens, bien des gens. Parce qu'une peur de l'avenir. La peur de l'avenir, c'est à l'origine de toutes les souffrances évitables. Parce que vous ne pouvez pas essayer d'autre chose que ce que vous avez appris. Chris, à un moment donné, là, je comprends qu'à 20 ans, tu as appris telle chose, mais quand tu es rendu à 60 ans et tu fais la même bebelle, on s'entend que Montréal-Laval, Montréal-Laval, Montréal-Laval, il y a des plus grands espaces que ça. Tu pourrais peut-être essayer Montréal-Trois-Rivières. Ou tu devrais peut-être essayer Montréal-Québec. Oh, petite folie! Puis c'était vraiment sauté. Montréal-Gaspésie, yes! Gaspé! Le rocher percé. La routine. La routine, c'est une souffrance évitable. Parce que tu souffres dans la routine. C'est-tu plate, Chris? Toujours le même tabarnak de restaurant. Hey, ils servent des bons hamburgers. Il est bon, l'hamburger. Ah, j'ai pris un risque l'autre fois. J'ai mangé une poutine avec ça. Wow! Connais-tu ça, les sushis? Sushis, ça vient d'où, ça, là? Japonais! Es-tu malade? Je veux pas être malade. Pas capable de casser la routine. Pourtant, c'est des souffrances évitables. Tu sais, imagine-toi le gars, là, qui est au Burger King depuis 13 ans, là. Puis il a essayé Wendy's. Une conquête sur lui-même. Yes! Des petites boulettes de viande, des petites boulettes carrées. T'aurais pas pu croire à ça. Ben oui, une boulette de viande carrée. Il en parle à toute la famille depuis 2 ans. Il a évolué. Hey, ça change de Whopper, ça, là. C'est. Il est sorti de son carcan. Il a évité de souffrir, de mutisme. De passer pour un nasty niaiseux parce qu'il allait tout le temps chez Burger King. L'autre, moi, j'étais chez Harvey, j'ai pris des risques dans la vie. Alors moi, j'étais chez McDo. Hey, c'est la plus grosse. Ah, c'est la plus grosse. Comment tu peux savoir que c'est la plus grosse? Je lis les journaux. Ah, ouais. Ils font des spéciaux bien plus souvent que chez Burger King. T'es pas sérieux. Chez Wendy's, ils en font jamais. Tu sais, quand t'es rendu à des discours du jour de l'an puis de Noël qui est toujours bossé, c'est la même soupe, la même poutine, la même ambiance. Tu souffres, hein? Tu t'en rends pas compte, mais tu souffres. Tandis que la personne qui casse la routine, elle s'empêche de rester dans un train qui crée une sorte d'absolutisme. Quand tu vis de la souffrance, bien souvent, tu as une lecture des événements ou tu as une lecture de la vie qui est dans un absolu. C'est absolument ça. Tu détiens une vérité. Toi, tu as tellement été souvent chez Burger King que c'est réel quand tu dis que c'est bon. Mais le gars qui est un mangeur de sushi, lui, il s'est dit, moi, les hamburgers, j'aime pas ça. Tu le comprends pas, lui. Parce que, premièrement, sushi, tu sais même pas ce que ça veut dire. Puis, chez Burger King, il y a pas de riz. Alors, il s'est dit, moi, j'ai mangé un bon riz avec du poisson. Il n'y a pas de poisson chez Burger King. Fait qu'il change ta vérité, il change ta réalité. T'es fait. C'est souffrant d'avoir à contester ton droit de dire que toi, c'est meilleur. L'autre, il dit, c'est pas meilleur, j'aime pas ça. Voyons donc, t'aimes pas ça. T'as jamais été chez Burger King? L'autre va dire, t'as jamais été manger du sushi? Là, la guerre commence. Ils travaillaient dans le même bureau. Il y en a un qu'il faut qu'il sorte. Ça a plus de saint bon sens. Ils s'entendent plus. Pour des goûts. Pour des atmosphères. Regardez les chicanes qu'il y a dans la société où les gens peuvent souffrir de rejet. C'est tout des niaiseries. Là, moi, je vous allez dire, là, je caricature l'histoire de Burger King. Puis quand c'est une situation qui devient comme irréversible, la mentalité de l'autre, vous êtes en danger, parce que ces gens-là vous font souffrir énormément. Et ils bloquent votre vie, puis à un moment donné, vous venez pour faire d'autres choses, puis vous n'êtes plus capable parce que vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance dans votre jugement. Fait que des gens qui décident tout le temps à votre place, puis qui vous chicanent, puis vous responsabilisent, puis vous culpabilisent de prendre des décisions, faites bien attention à ça, parce que si vous êtes un petit peu rebelle, puis que vous faites à votre tête, vous allez éviter beaucoup de souffrances que ces gens-là. Si un individu qui veut pas souffrir se libère de l'autre qui, dans ses conditionnements, t'empêche, OK? Tu souffres tout le temps quand quelqu'un qui est un besoin pour toi dans ta vie se libère de ta condescendance ou de ton excès d'autorité ou d'une volonté de te garder à son service, c'est-à-dire un petit peu esclave, mettons. Ça s'identifie facilement parce que tu vois qu'il est profondément dérangé par les actions que tu poses, donc les décisions que tu poses. Tu vas souffrir, ça va être dur, etc. Moi, si je le vibre positivement, il n'y a pas de problème. Donc, les souffrances qu'on peut éviter, c'est les souffrances qui nous placent, c'est-à-dire c'est des potentiels de souffrance qui sont liés à une recherche d'une certaine compréhension de la vie. Quand tu cherches à comprendre, c'est sûr que si tu veux, exemple, si moi je commençais à faire de la règle, donc, si tu veux pas souffrir, il faut que tu vibres ce que tu vis. Si tu vibres pas ce que tu vis, tu vas avoir de la misère à comprendre, tu vas avoir de la misère à apprendre, puis tu auras conséquemment une dépendance à d'autres qui, eux autres, le vibrent ce qu'ils font. Moi, je vibre pas les raquettes. Fait que si je m'en vais faire de la raquette, il faut que je sois accompagné d'un maniaque de raquette, parce que ça va être très souffrant. Tandis que pour lui, c'est un plaisir. Il vibre. Donc, s'il vibre, il a tout appris sa raquette. Il a lu des revues, ses raquettes. Il a étudié des sentiers de raquettes. Donc, il a un plaisir de faire ce qu'il fait. Et ayant le plaisir de faire ce qu'il fait, Même si ça demande un effort physique, il ne souffre pas. Tandis que moi, le moindrement que ça va commencer à cramper, je vais m'ennuyer de mes chats. Au chaud, devant le foyer. Je suis pas fait, je suis pas frémé pour la raquette. Le taux du char, maximum. Tu s'entends? Et ça, si je respecte cette lecture que je fais de moi-même en raquette, faire le taux du char en cas de tempête strictement, je ne souffre pas de la raquette. Mais le gars qui passe en avant de chez nous, « Viens dans le gros, on va t'en aller dans le bois. » Lui, il va me faire souffrir, parce que moi, je vibre pas. Mais là, si j'ai du fun avec le gars parce qu'il est drôle, puis il sipait ça, il va pouvoir me faire 200-300 pieds. Peut-être 200 verges, à la limite. Puis encore, il faudrait que j'amène ma carabine, que je tire, puis que j'aille vérifier où j'ai tiré, puis que je revienne chez nous, that's it. Vous me suivez? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance quand vous faites quelque chose contre votre volonté. Vous voulez pas, on vous l'impose, c'est sûr que vous allez souffrir. Vous êtes dans une relation de couple, il y en a un, femme ou homme, ça n'a pas d'importance parce que les femmes québécoises sont aussi mâles que les gars à cette heure. Ben, la fille, elle dit, moi, je veux vivre ça, je veux m'acheter tel collier, garde clair avant des bijoux, là, puis j'en veux 25. Le gars intelligent, il va dire, ben, chérie, tu peux acheter tout ce que tu veux, c'est toi qui payes. Là, si elle est là, le soir, elle dit, écoute, es-tu capable de mettre juste tes bijoux? Puis, pop, tu t'habilles pas. On va pouvoir les apprécier, tu sais. C'est toujours une question de contexte. Qu'est-ce qui te fait plaisir? L'autre, ça lui fait plaisir d'avoir des bijoux. L'autre, il dit, écoute, fais juste mettre tes bijoux, mets-toi pas de linge en dessous. Parfait, on va checker ça, voir si c'est beau, ces bijoux-là. C'est simple, c'est le plaisir mutuel. Complémentarité de ce qu'on vibre, pas de souffrance. Incapacité de traiter avec le goût, le plaisir de l'autre, souffrance. Très souffrant, quand quelqu'un a du fun puis toi t'en as pas. Tout le temps. C'est toujours bien difficile de voir d'autres s'amuser. C'est pas que l'être humain est jaloux, mais il est envieux, mettons. T'sais? Puis il aimerait ça, lui avoir du fun plutôt que de voir tout le temps l'autre. Tu sais, t'es malade, tu peux pas manger parce que, je sais pas, t'as mal au ventre, t'as mal au foie, t'as mal en quelque part, anyway, puis l'autre, il s'en piffle, puis il mange des fraises, puis, tu sais, c'est bon avec de la crème anglaise, name it. Puis toi, tu dis, hey, ça, c'est, hein, tu sais. Il y en a ça qui change de chambre, moi, là, tu sais. Pourquoi? Parce qu'il y a du fun, puis toi, t'en as pas. Donc, ce que vous pouvez éviter, c'est d'être accompagné de gens qui ont plus de plaisir que vous autres, ou vous autres, si vous ne voulez pas faire souffrir personne, arrangez-vous pour faire des choses qui soient à l'abri du regard des gens qui sont jaloux, qui se comparent à vous. Vous ne les faites pas souffrir, puis ils se revengeront pas, parce que c'est sûr que quelqu'un que vous avez été à l'origine de sa souffrance, il va vouloir vous en soigner une, ça c'est une question de temps. Ça c'est certain. Puis vous allez dire, non, il n'est pas fait de même. Je n'y crois pas parce que c'est subconscient. C'est une question d'équilibre. Donc, vous pouvez facilement éviter de souffrir à ne pas faire souffrir. Puis, vous pouvez éviter beaucoup de souffrance si vous faites ce que vous voulez. Puis, ce que vous voulez, c'est ce que vous vibrez. Quand vous vibrez pour quelque chose, moi, mon père, il souffrait beaucoup quand je disais que je voulais faire de la moto. Tu vas te tuer. Puis, comme j'étais une responsabilité, ben là, tu sais, on s'entend que c'était pas le plaisir avant tout. C'était garde-toi en santé jusqu'à temps que tu aies 21 ans. Quand tu seras parti de la maison, tu feras ce que tu voudras. Ça, c'est résumé à ça. Donc, il voulait pas souffrir d'une anxiété de voir une responsabilité faire ce qu'il veut, vous me suivez? Donc, ça devient bien important dans la vie de comprendre que faire souffrir, ça vous attire la souffrance et que vous souffrirez tout le temps de ce que vous comprenez pas, surtout si vous ne vibrez pas. Donc, si vous n'avez pas d'attraction particulière pour faire quelque chose, parce que c'est imposé, on appelle ça des figures imposées par l'environnement, ben là, ça vous place automatiquement en initiation parce que le fait de simplement pas le vibrer, ça implique que vous allez le faire mal. Tu sais, moi, je pense tout le temps à la raquette, comme si tu avais fait dans ta couche. Ben, c'est clair que si l'autre, il a du fun à marcher écarté, ben, c'est un bon candidat pour 80 ans quand on va y mettre une couche d'incontinence, là. Mais c'est clair que pour moi, c'est pas comme ça. Je me sens pas esthétique. Mis en patin, tu sais. C'est vrai que rendu à 230, c'est pas aussi évident, mais quand même. Ce qui veut dire que vibrer, ça empêche de souffrir. Vous vibrez, vous n'arriverez jamais rien. Vous commencez à être dérangé dans vos énergies, attacher votre claque, votre truc, c'est-à-dire, vous allez avoir une expérience souffrante. Vous avez des problèmes à un moment donné pour travailler. C'est sûr que vous allez finir par manquer d'argent, vous allez vous faire mettre à la porte ou quoi que ce soit, parce que vous ne vibrez plus votre travail. Mais quand vous ne vibrez plus, dans le sens que, pour prendre un langage commun dans le public, là, quand vous n'aimez plus ce que vous faites, ce qui équivaut à ne plus vibrer ce que vous faites, vous tombez dans une zone à risque de souffrir. Initiation. Automatiquement. Tout ce que vous allez faire quand vous vibrez, c'est protéger. Puis tout ce que vous faites en dehors de la vibration, c'est une menace. Donc, une chose qui est dangereuse, regarde les gars qui montent dans, le gars qui monte dans les étages, là, il y a un Français là qui prend un bâtiment de 45 étages, part en bas, puis il grimpe jusqu'en haut. Là. Moi, je veux pas ça, mais pas en tout. Hein. Moi, c'est sûr que je vais tomber. Lui, il aime ça. Il tombe jamais, ce gars-là. Il l'appelle l'homme araignée, je pense. Tout ce que vous vibrez, c'est protégé. Puis ça, c'est peut-être dans la conférence la plus grosse clé que je peux pas vous donner. Si vous vibrez quelque chose, vous ne pouvez pas souffrir. C'est impossible. Si vous avez un déséquilibre dans vos énergies, vous êtes automatiquement à risque. Votre travail, vous ne le vibrez plus. Il vous fait pas vivre. Il faut que vous ayez d'autres choses. Il faut que vous ayez quelque chose qui ne vous fait pas souffrir. Si ton travail te fait souffrir, tu n'es pas bien. Avec la souffrance, c'est évitable parce que la santé, là, Christ, quand tu es rendu, tu as le cancer, là, c'est pas drôle. Là. Chimiothérapie, 5 antibébelles. Christ, ta vie est bouleversée, t'es mort vivant. Tu pourris sur deux pattes, Christ. C'est pas des jokes. Là. Fait que pour éviter cette souffrance-là, il faut que ton mental soit tout le temps dans un processus d'actualisation. Les gens peureux, là, c'est inévitable. La peur a fini, elle apparaît pas juste dans l'inertie. La peur, elle apparaît dans un paquet de petites décisions. Quand je regarde le monde qui check leur santé, la façon qu'ils checkent leur santé, ils ont peur de mourir. Hey, tu vas mourir. Fait que check pas ta peur de mourir. Check le fait que tu manges pour être en équilibre. C'est tout. Mais non, ils regardent la salade comme si c'était pour les aider à survivre. Mais non, si tu survives, tu vas faire quoi? Moi, je veux être en vie. En vie, c'est pour manger, pour être en santé. En vie, c'est de faire quelque chose. Puis tu t'organises pour être en santé, pour le faire. Pas avoir peur d'être malade. Non, ça, c'est encore une façon de se placer en souffrance, d'être toujours sur le coup de ta santé. Hey, les fosses, là, ils s'occupent de toi tout le temps. Ils m'ont guéri du diabète, sacrément. Ils sont capables de faire bien des affaires. Fait que si vous êtes tout le temps dans une anticipation du futur négatif, vous allez souffrir, ça c'est garanti, parce que vous comprenez pas la vie. La vie, là, c'est tout de suite, tu vibres, tu le fais. C'est pas quand je vais avoir tel âge, je vais vivre. Non, non, écoute bien, là. Moi, je sais bien qu'à 60 ans, il y a des affaires que je suis pas capable de faire, que quand j'avais 20 ans, j'étais capable de le faire. Fait qu'à 20 ans, j'ai fait ce que j'étais capable de faire, puis à 60 ans, je fais ce que je suis capable de faire, au max. Pas en disant, si je fais ça, on va de l'aide de quoi à 80? Moi, si je meurs à 61, j'aurais vécu à 61 pieds au fond. Mais non, les gens, ils disent, ben, faut pas souffrir. Pas souffrir, ça veut dire quoi, ça, pas souffrir? Tu souffres à pas faire ce que tu veux. Sais-tu que pour moi, c'est le pire de la souffrance? Parce que l'anticipation d'une souffrance que tu visualises, ça crée l'événement. Il s'agit de visualiser que tu es malade. Parce que t'as peur d'être malade. Si t'as peur d'être malade, tu te vois malade. Faut que tu te voyes malade pour avoir une vision de qu'est-ce que tu te défends. Ça, ça crée le problème de santé. Ah, pas d'allure. Fait que pour éviter de souffrir, il faut vivre. Il faut avoir une vibration qui supporte notre action. Et quand vous êtes capable d'identifier ce que vous vibrez, vous êtes protégé. Si vous faites quelque chose qui est contre nature, qui vous est imposé par une job, qui vous est imposé par des conditions financières ou quoi que ce soit, vous êtes placé en situation d'initiation et c'est possible que vous tombiez éventuellement dans une... souffrir les gens. Puis il y a l'autre phénomène, c'est que quand on fait souffrir les autres de notre condition, on amplifie notre propre souffrance potentielle. Parce que j'ai toujours dit, on vit ce qu'on fait vivre. Fait que si tu fais souffrir, tu vas souffrir. OK? Vous suivez? Fait que vous faites souffrir, puis éventuellement, ça vous tue. Parce que la souffrance que vous générez, qui est absorbée par les autres, elle vous est retournée, multipliée, donc amplifiée. Conséquemment, vous êtes placé en situation de déséquilibre. Donc, c'est très important que vous ayez une bonne lecture de la réaction des gens, de votre environnement, pour savoir si vous les faites souffrir. Puis, si vous les faites souffrir, bien, inévitablement, ça va vous être retourné. Fait que c'est comme une garantie que faire souffrir, c'est souffrir. Vous me suivez? Là, vous allez dire, waouh, ça fait belles affaires à checker, moi, j'ai plus de temps de travailler, là. Non. Vous vibrez, vous êtes de bonne humeur. Quand vous vibrez, vous êtes une source d'énergie pour les autres. Vous êtes comme une espèce de batterie. Donc, quand vous êtes mis en vibration pour faire quelque chose que vous aimez, ça dégage le positif, le plaisir de vivre. Ça dégage le « hey, on va être capable ». Ça dégage le courage sans se forcer. Tu sais, c'est comme « ouais, je suis capable de faire 3 heures de plus ». Je suis capable, moi, par exemple, dans mes sites Internet, c'était le 2 février, c'était le jour de ma fête, il y avait de la neige, c'était une tempête. Puis j'ai dit, waouh, on va pouvoir faire mon site, je serai pas dérangé par personne, j'aurai aucune invitation parce qu'il y a tellement de neige que le monde ne veut pas souffrir. Fait que j'ai pas fait souffrir les gens, lui demander de me fêter le 2 février. Ben, je les ai pas imposé de dire, on va aller au restaurant pareil, en pleine tempête. Fait que je me suis concentré, je me suis fait un site de tir, là, Dan Precision. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Ce qui fait que quand les gens me revoyaient 3, 4, 5 jours après, j'en voulais pas à personne. J'étais heureux d'avoir été tout seul pour faire ça. Fait que tout le monde était content. Fait que un individu qui est intelligent est capable de lire ce qu'il fait vivre. Et il est capable de voir dans ce qu'il vit, donc dans l'événement qui se place, comment trouver une solution pour toujours se garder comme en vibration. Pas se plaindre. Pas évident des fois, tu sais, t'as trop mangé de quelque chose. T'apprends avec des petites souffrances, puis t'essaies pas de multiplier ça par le courage. Fait que la dynamique de l'initiation, c'est dans le but de vous apprendre. Puis la dynamique de l'initié, viser à être initié, c'est la dynamique du gars ou de la fille qui a appris. Donc, conséquemment, qui est capable de corriger le tir. Donc, conséquemment, qui est capable de réduire son taux de souffrance dans sa vie. Plus vous êtes intelligent, plus vous vibrez. Parce que les forces travaillent avec les gens intelligents. Donc, plus vous êtes intelligent, plus vous vibrez. Quand vous me dites « je vibre pas », ça veut dire que t'es réellement... t'es pas vivant. Il y a quelque chose en dedans de toi qui suit tout le monde. Mais quand t'es intelligent, il y a un petit peu de rébellion, il y a un petit peu d'allumer, les yeux de pétille, t'as toujours le goût de faire quelque chose. Puis dans ça, il y a pas de souffrance. C'est rare les affaires qu'on fait, qu'on a le goût de faire, qu'on souffre. Puis là, le site, quand je l'ai eu fini, là, Dan Precision, tu m'aurais demandé d'en faire un troisième, juste parce que je suis capable d'en faire un. Je ne le vibre plus. Là, c'est une souffrance. Là, ça devient une souffrance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire que vous n'avez pas une énergie à l'infini pour vibrer quelque chose. Vous avez un temps où ça vibre, puis un temps où ça ne vibre plus. Puis basez-vous pas sur la compréhension que vous avez d'avoir fait quelque chose pour dire « ça va être bon pour ma santé ». C'est bon pour votre santé quand vous vibrez, donc quand vous aimez faire ce que vous avez à faire. J'ai jamais vu quelqu'un d'heureux frustré, puis quelqu'un de frustré trop longtemps, il tombe toujours malade. C'est conséquentiel. Je dis, moi, écoute, il y a des temps, je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais du 14, 15, 16 consultations par jour. J'aimais ça. Aujourd'hui, j'en ai fait une ou deux, je suis fatigué. Ça veut dire que j'aime plus ça. Donc, ça veut dire que je faut pas que j'en fasse beaucoup. Je peux pas me mesurer sur le 15 consultations dans le temps que j'avais 24, 25 ans, là. Dans ce temps-là, tu étais capable, tu allais à domicile, tu t'y en deux pour aller faire tes rendez-vous, même si le monde ne se rendait pas, tu te rendais, tu sonnais à la porte, « Ah, mes amis ont cancellé. » Ben, j'ai dit, écoutez, avertissez-les que je suis là. Puis finalement, ils venaient, là, ils restaient à côté, c'était des voisins. Imagine, moi, je descendais de Laval, là, je m'en allais à Verdun faire mes consultations. Puis eux autres qui restaient à côté, tu sais, c'est comment c'est, Verdun, c'est tous des bâtiments collés un sur l'autre. Eux autres, ils se déplaçaient pas. Il y avait de la neige en galerie, tu sais, pauvre chien. Fait que, fallait-tu l'avoir, le petit feu dans le... Tu sais, tu l'avais le feu dans le cadran. Fait que quand t'as du feu, tu te prends pas, tu t'as pas d'accident, pis ça. Puis quand t'as pas le feu, toutes les cataclysmes arrivent. Puis ça, c'est, je vous le dis, là, faites le check, vous allez voir. Là, vous allez dire, ouais, ben, moi, j'avais le feu pour faire l'affaire, puis il m'est arrivé tel bad luck. Ah! Ça veut dire que il y avait quelque chose de prioritaire dans ta vie qui supportait ce que tu fais, que tu as négligé. Quand votre vie est gérée par vos humeurs, vous êtes en danger. Parce que là, vous n'êtes plus en vibration. La vibration, c'est constant. Les humeurs, c'est instable. Puis, il y a beaucoup de gens qui essaient de gérer leur vie avec les humeurs. Pour pas rien faire. Parce que ça demande une constance que tu n'as pas tout le temps. Tu es aussi constant que tu es vraiment vibrant. Puis quand tu es vibrant, faut que tu sois sûr que tu vas vibrer pendant. Mais il faut comprendre quand même que la plupart des gens aiment ça avoir des responsabilités parce que ça les occupe mentalement. Fait qu'ils vibrent. Puis là, à un moment donné, ils commencent à chioler parce qu'ils ont vibré, parce qu'ils disent « Hop, j'aurais pas pensé que ça m'engageait là-dedans. » Puis là, ils passent une partie de leur vie à essayer de vibrer d'autres choses en se libérant de la responsabilité. Mais il arrive souvent qu'on a des affaires qui bloquent dans la vie parce qu'on a une priorité dans notre... Tu sais, c'est comme, je pense à Jeannette qui veut s'acheter une carabine. S'il n'y a pas d'enfants à s'occuper, elle peut s'acheter une carabine demain matin. Mais s'il y a des enfants à s'occuper, elle va se dire, bon, ben, ma fille, qu'est-ce qu'elle a besoin? Puis, faut que je prévoie que dans 6 mois, elle a besoin de ça. Et là, ça te bouffe un budget, ça, là. Fait que tu peux plus vibrer comme tu veux. Et là, faut que tu trouves une solution que la fille est capable d'être autonome plus vite pour que tu puisses vivre ta vie plus vite. Sans ça, tu vas poser ta crise de vie d'irresponsabilité à essayer de voir les autres vibrer puis toi pas vibrer. Tu vas être frustré, tu penses? Ben, tu vas finir par haïr ceux que t'as aimés. Parce qu'ils ne te laissent pas vivre ce que tu vibres. Vous me suivez? Okay. Tu regardes les couples, ça se sépare. Pourquoi ça se sépare? Il y en a un qui empêche l'autre de vibrer. Puis là, à un moment donné, tu sais, l'autre, il veut vibrer. Puis toi, tu penses que tu vas, en gagnant du temps, elle va vieillir, elle va s'effacer. Oublie ça. Ce qui a à être vibré va être vécu. Parce que ce qu'il y a à vivre, ça est marqué dans la destin. Le destiné d'une personne est là. Il n'y a pas personne qui a le goût de souffrir. C'est, écoute, moi, je peux, à cet âge-là, faire ça, puis dans 10 ans, je ne suis pas capable. Fait que faut que je le fasse tout de suite, puis l'autre veut pas parce que ça le menace. Balancez vos énergies, faire quand vous vibrez, ça vous évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Vous commencez à chialer, ça veut dire que vous souffrez déjà si vous critiquez. Être négatif, chialer, critiquer, c'est souffrir, ça. Fait qu'après ça, il vous arrive des événements qui sont durs, qui sont difficiles, qui sont initiatiques. C'est normal. Vous vibrez du négatif. Vous attirez du négatif. Vous attirez un événement qui va avec ce que vous pensez et conséquemment avec ce que vous vibrez. Parce que ce que vous vibrez, c'est bloqué. Donc, ça congestionne. Tu sais, un nez qui respire, absolument, il n'y a pas de rhume. Mais quand vous avez la grippe, c'est dur de respirer. T'as le nez bouffé, t'as tout bouffé. T'es bouffé, tu comprends rien de toute façon. T'es saut, t'entends mal. Mais quand t'es bouché, ça sort pas. Puis tout ce que tu veux faire, c'est d'avoir un mouchoir puis le remplir pour te déboucher. Donc, le négatif, c'est un manque de solution. C'est un manque de capacité d'action. Et donc, quand vous vibrez, ça veut dire que vous êtes placé à agir. Puis vous pouvez vibrer des obstacles, mais il faut que devant l'obstacle, vous ayez une solution. Et à partir de là, il y a moins de souffrance. Moi, des fois, je dis, « Asti, comment je vais faire pour régler ça? » Ça n'a pas de style d'allure. C'est bloqué, bloqué, bloqué. Là, des fois, ils ont dit, « Va te coucher. Tu peux pas rien faire aujourd'hui. Va te coucher. » Bon, OK. Une façade du tableau. Va se coucher. Puis le lendemain, ils m'ont envoyé une petite idée, là, une petite vibe. Ils m'ont dit, « Fais ça. » Là, je fais ça. Puis là, oups, j'en rencontre quelqu'un qui a la solution. Là, ils vont me dire, « Écoute, t'as pas essayé ça? » »« Ah, t'as raison. T'as bien raison. » Puis là. Fait que c'est pour vous dire que c'est des souffrances évitables de reconnaître l'expérience des autres. En tout cas, quand je vais prendre ta douche, je vais penser à toi. Tu vas trouver ça raide. Ça ne changera pas ma situation. Non. Mais le point que je veux faire, c'est que reconnaître l'esprit des gens, ça vous sauve de bien des expériences. Souffrant. Alors là, c'est physique parce que c'est de l'eau chaude et de l'eau froide, mais il y a d'autres expériences qui peuvent être prises en compte là-dessus. Là, t'sais. J'ai beaucoup appris des autres. J'ai appris beaucoup de la femme à écouter des femmes. Pas essayer de penser que j'en savais plus qu'eux autres. Écoute, c'est eux autres qui vivent leur vie, là. Fait que c'est pas moi qui peux leur dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, là. Fait que là, ils me disaient, j'ai tel problème avec mon mari, j'ai tel problème dans la vie, j'ai tel problème. Si je veux travailler comme un homme, puis je me sens pas un homme, je me sens une femme, puis une femme, ça travaille pas comme ça, puis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait qu'en final, au bout de 30 ans, là, si t'écoutes les autres, tu finis par apprendre ce que c'est que les autres vivent. Et là, quand tu regardes un gars, tu dis, écoute, ta femme, là, elle pense pas comme ça. Ouais, mais Chris, ça va falloir qu'elle pense de même. Non, non, non, non, non. Ça pensera jamais comme ça. Ouais, mais là, écoute, on a besoin de tant d'argent, il va falloir qu'elle pense demain. Hey, t'as pas compris? Tu vas te faire crisser là, bonhomme. Voyons donc, oui. Elle a bien trop besoin d'argent, puis tu sais, ta, ta, ta, ta. Puis là, oups, tout d'un coup, elle s'en va. Ça se peut pas. Voyons donc. Fait que vous pensez, vous autres, que parce que vous vous connaissez, ça va être plus le fun? Pas nécessairement. Il faut le vibrer. Tu vibres une personne, tu vibres une action, tu vibres un projet. Le team, il se fait automatique. C'est le projet qui fait la relation. La permanence est dans le projet. Elle n'est pas dans la relation. La relation dépend en réalité de l'action que vous posez ensemble. Fait que vous vous entendez sur une action, vous achetez une maison ensemble, puis encore là, c'est pas une garantie. Vous faites de quoi, vous vous maintenez actif, vous vous maintenez vibrant un par rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire 30 ans, 40 ans, 50 ans?